nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les bas-fonds de Paris, différents milieux, et de leur rencontre, de leur opposition, de l'exploitation des uns par les autres, naissent les événements les plus mélodramatiques. Différents lieux, mais tous parisiens. Le décor du roman d'Aristide Bruand est, son titre l'indique, on ne peut plus et on ne peut plus exclusivement parisien, à moins de passer les barrières et de s'enfoncer vers les faubourgs. Et le Paris débat fond avec ça, en situation et en chanson, et en épisode, puisque adaptation radiophonique il y eut, épisodes 14 et 15, cette nuit, diffusés respectivement pour la première fois sur France Culture, les 17 et 18 septembre 1981. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stine. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 14e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand, et Roger Mollien, Daniel Collat, William Corinne, Martine Régnier, Dominique Page, Nicole Vassel, Pierre Attet, René Renaud. Réalisation Claude Roland-Manuel. C'était un lapin qui s'appelait J.B. Chopin et qui avait son domicile à Belleville. Soir avec sa petite famille, il se baladait en chantant des hauteurs de la Courtille à Ménilmontant, à Ménilmontant. Il buvait si peu qu'un soir, on l'a retrouvé sur le trottoir, il était crevé ben tranquille à Belleville. On l'a mis dans la terre glaise pour un prix exorbitant, tout en haut du Père-Lachaise, à Ménilmontant, à Ménilmontant. Depuis, c'est moi qui ai le souteneur naturel à ma petite sœur, qui est l'ami de la petite Cécile à Belleville, qui est soutenu par son grand frère qui s'appelle Éloi Constant, qui a jamais connu son père à Ménilmontant, à Ménilmontant. Ma sœur est avec Éloi, dont la sœur est avec moi. Soir sur le boulevard, je la refile à Belleville. Comme ça, je gagne pas mal de braise. Mon beau-frère en gagne autant. Puis s'il refile ma sœur Thérèse à Ménilmontant, à Ménilmontant. C'est comme ça que c'est le vrai moyen de devenir un bon citoyen. On grandit sans se faire de ville à Belleville. On crie « Vive l'indépendance !» On a le cœur batté content et l'on nage dans l'abondance à Ménilmontant, à Ménilmontant. En somme, Monsieur Bruand, il n'y a de la veine que pour la crapule. Nini Casque d'Or fut une consolation, un adoucissement pour la vie amère et triste du comte de Charmeuse, cet être dégradé que ses chutes avaient réduit à cacher son nom et son titre, à présent déshonoré. Eh oui, les yeux clairs de Nini et l'or brillant de son épaisse chevelure apportaient comme un rayon de soleil dans les ténèbres de cette âme. Il le sentait si bien, le malheureux, qu'il se raccrochait à l'amour de cette fille avec l'énergie farouche d'une passion faite de désirs, d'appétits violents, et dans laquelle il entrait des désespérances et des rancœurs infinies. Charmeuse. Avoir eu les plus jolies femmes de Paris, avoir été le viveur à la mode et vivre maritalement à Belleville avec une blanchisseuse. Oh, c'est pas qu'elle ne vaille pas les autres. Loin de là. Mais voilà. Elle part le matin de bonne heure pour aller travailler et elle rentre tard, sa rude journée de labeur terminée, sentant l'eau de Javel et faisant le souper de son petit homme. Je ne cherchais en Nini qu'une distraction, une passade agréable. Comme un cigare que l'on jette après avoir un peu fumé. Mais non, je suis pris maintenant. Chauffé, suivant l'expression consacrée, dans ce peu aristocratique milieu. Pincé, l'aristo. Cela s'était fait avec la même facilité que Nini s'était donnée, inconsciemment. Cette fille-là, il l'avait dans la peau. Si elle l'avait quittée, il aurait été capable de la suriner. Vous raisonnez juste. Et Loi Constant, qui était maqué avec la petite Thérèse Chopin, vous vous souvenez de ces noms, monsieur de l'Excelsior? Les deux gamins de 12 ans, Éloi Constant et son copain Bibi Chopin, ont maintenant, comme tout le monde, 10 ans de plus. Et aujourd'hui, ce sont deux petits marlots. Donc, Éloi fit cette réflexion judicieuse un dimanche au lac de Saint-Fargeau, pendant que sa gagneuse rigolait comme une gosse sur la balançoire avec son amie Cécile. Et tu vois, Bibi Chopin, ben, ça me dégoûte. V'là les marles de la haute qui s'amènent dans notre patelin et qui se foutent en ménage avec nos gonzesses. Ouais, la Nini est une cuisse gourmande mais délicate. Bah, y a plus d'un mecton qui enrage, hein, et qui espérait coller la Nini sur le teint. Mais ils vont quand même pas se frotter avec cet aristo. Eh, dame, c'est un costaud. Aujourd'hui, dans la haute, ils font maintenant de la boxe, de la savate et du bâton, plus de l'escrime. S'il leur prenait de faire concurrence au type des barrières pour les coups à faire et les gonzesses à becter, bah vrai, ils pourraient bien réussir des deux côtés. Ben, c'est pas juste. Puis faudrait voir. Est-ce qu'on va en compter à leur rombière, nous autres? Oh, ben, il manquerait plus que ça. Nini est une brave fille, parce que turbine et que je tapine, c'est pas une raison pour nous mépriser l'une l'autre. Chacun son turbin. On est copines, tout de même. Eh bien, moi, j'approuve Nini d'avoir pris un type comme ça. Il est batte. Et je le dis carrément. Une supposition que je serais Nini et que le comte soit mon petit homme. Eh bien là, je lui refilerai du pèse. Tant et plus, puisqu'il paraît que c'est rapport à ça qu'il est en rogne avec sa légitime. Oh, moi aussi, si le comte était mon mec, j'irais de ma braise aussi sec. On a beau être en République, ça fait toujours plaisir de penser qu'on a un comte pour de vrai à s'envoyer au plus mal. Ouais, c'est ça. Vois-tu, mon vieux poteau des lois, ces gens de la haute, ça vient faire le pauvre peuple cocu. Cocu? Ouais. Cocu, bah on verra, et puis c'est pas encore prouvé. Oui, t'es cocu, mon pauvre Éloi. Ta femme couche avec Nip de Naze. Tout le monde le sait, excepté toi. Ben moi, je te le dis parce que ça me rase d'entendre des gonces à la mie de pain qui te blaguent et qui se foutent de ta fiole. Car enfin, toi, t'es un copain. Mais nom de Dieu, t'es pas mariole. Oui, tu vas me dire que tu t'en fous, que si t'es cocu, t'es comme tout le monde, que t'as pas les moyens d'être jaloux, que ça vaut pas la peine qu'on se morfonde. Tu vas me dire qu'on peut s'en passer, qu'une femme, ça fait rien qu'on la perde, que c'est très facile à remplacer. On dit ça, mais ça vous emmerde. Aussi, si ça serait moi qui le serais, bon Dieu, tu verrais cette salade. Non, ce que je te la carambolerais, ce serait pas pour la rigolade, et des mandales, et des bochons. J'y taperais dessus comme sur du pantre, à grands coups de poing dans les nichons, à grands coups de souliers dans le bas-ventre. Enfin voilà, mon pauvre Éloi. Nip de Naze a chauffé ta gerce. Et tous les deux, ils se foutent de toi. Et ça fait rigoler la tierce. Car y a pas, mon vieux, t'es cornard. Aussi, faut profiter de l'occasion pour crever la gueule à ton lard et bouffer le blaire à Nip de Naze. Oh, quoi? Bah, te fâche pas, Éloi. Notre pote Brugand, il veut rigoler un brin, quoi. Et pour sûr qu'elles nous font tous cocu. Avec les michetons, avec les dessous, avec les femmes. Et on s'en fout. Pourvu qu'on ait la braise. Tiens, visez un peu. Quand on parle du loup, la voilà, la Nini. Bien sûr, un chouette morceau de roi. Regardez la stordre. Sûr qu'ils sont dingues l'un de l'autre. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Nini! Nini! Viens avec nous, Zaï! Bonjour, la compagnie. Madame la comtesse, je vous présente mes respects. Permettez-moi de vous offrir des vertes. Ni pour moi, de l'absinthe, c'est trop fort. 5 vertes. Oh mince, Nini, ton type, comme il est sapé. Tu n'as rien à lui envier, tu deviens distingué. Bah, c'est qu'il a de l'ambition, Bibi. Il veut faire la pigelle unique, l'universel, l'oiseau rare. Ragdan, en un mot. Ouais, ça le travaille depuis qu'il joue aux billes. Ragdal. Ragdal. Ouais, l'empereur des dos, quoi. Ah oui, oui. Oui, je me souviens, oui. Celui qui ne rague jamais. Mmh. On me l'a présenté autrefois chez Bruyant. À votre âge, vous pouvez pas le connaître. Je veux, ouais. Et c'est pas d'aujourd'hui. Même que ce salaud de Ragdal a fait le dab cocu et qu'il a fait cette saleté de petit reculot à Fifine, la daronne. Et comme si ça suffisait pas, il nous a apporté ficelle à la maison. Une gosseline ramassée on sait où, soi-disant de sa légitime. Et on peut dire que la Fifine, elle a apprécié. Hein. On était déjà à la demi-douzaine. Et de ce jour précis, ça a été la dégringolade. Alors je le porte dans mon cœur, Ragdal. Et pourtant, vous avez l'air de l'admirer. Ça empêche pas les sentiments. Ragdal est un salaud, et moi aussi je serai un salaud. Parce que les salauds écrasent les braves types comme le nap, JB Chopin. Et comme toujours, on se fout du peuple. Le peuple est cocu. Vive la sociale, nom de Dieu! Pas de politique, hein, c'est pas le moment. Ça a valu au paternel de se retrouver en tôle. Et un jour de fête! Et on est clamsé. Avec la Fifine et les gosses, on a dû se trisser chez les Biffins de Saint-Ouen. Même Quelbois Constant, ici présent, nous a prêté sa carriole pour déménager. J'avais 12 ans et Thérèse 10. Et on s'en souvient comme si c'était hier. Hein, Thérèse? Un peu, oui. Quelbois m'en a sorti 2 ans après. Une vanne. Et votre mère? La daronne? Ouais, elle vaut pas mieux que lui. Y'en avait que pour reculot. À croire que moi, la Thérèse et les autres, on n'était pas d'elle. Eh ben, on n'a pas tardé à mettre les bouts, en la laissant là avec son cher reculot et la gosseline à Ragdal. Parce que Ragdal n'est jamais revenu prendre sa petite. Va savoir. Il y a 5 ou 6 ans qu'on l'a pas revue, la Fifine. Eh, tu me parles d'une vie de famille. Oh, la vie, c'est la vie. Viens plutôt gâcher un coup. La petite de Ragdal. Est-ce qu'il s'agirait de Rose Aimée? Il faut y aller sur la pointe des pieds. Coïncidence? Hasard? Le hasard fait parfois bien les choses. Le hasard n'est nulle part dans le monde. J'ai appris ça à mes dépens. Tout suit une marche précise, déterminée, en vue d'un but précis à atteindre. La fourmi que voilà ne marche pas au hasard. Elle va droit au grain de blé qu'elle doit prendre et emmagasiner pour s'en nourrir à l'heure voulue. Je suis le comte de Charmeuse. Je n'avais pas à descendre jusqu'à cette garce d'Adrienne. Je me suis détourné de mon chemin. Comme c'est moins que rien de Valentine. C'était sa parole contre la mienne. Rien n'est perdu à condition de ne plus me laisser manœuvrer. Je vais commencer par me rendre à Saint-Ouen. C'est à côté des fortifs, on n'y voit pas de gens comme if, qui sent le musc, ni des mômes à qui qu'il faut, des complets quand il fait chaud, c'est un lusque dont les gosses n'ont pas besoin. À Saint-Ouen, à Saint-Ouen. Ah, Fifine Chopin. Oui, je me rappelle. Oh, elle a décarré d'ici il n'y a pas loin de 4 ans. Seule? Elle était à la colle avec un type que personne gobait, un Allemand. C'est même pour ça que... Non, je veux dire, avait-elle des enfants? Eh, il lui en restait 2, Reculot et Ficelle. Reculot et Ficelle? Oui, le garçon et Ficelle, la dernière, une petite môme blonde mignonne. Dans les 10 ans aujourd'hui, les autres s'étaient déjà tirés comme une volée de piaf. Même Lolotte, avec ses 8 ans, elle a préféré les suivre. Et où est-elle maintenant, Fifine Chopin? Oh, nous autres, on n'est pas des rupins. On n'a pas de courrier à faire suivre. Elle a peut-être suivi son Jules en Allemagne. Tout cela n'est pas très encourageant. Au bout de 10 ans, je ne pouvais espérer que dans un miracle avec des gens de cet acabit. Si cette môme ficelle et rose aimée, quelle idée saugrenue a eu Ragdal de la leur confier. Il me faudrait de l'argent. Que ce soit pour retrouver Fifine ou Ragdal. Or, il ne me reste plus grand-chose de ce que j'avais emporté en allant me réfugier à Belleville. Le passé, c'est parfois le remords, l'avenir, l'incertain. Mais le présent devient déjà de l'angoisse. J'ai Nini, jolie, experte en l'art suprême des caresses. Et je l'aime. Ah, mon Dieu! Que cette vie de misère est dure. Ah oui, ma Nini. Si jolie. Plus jolie, plus naturelle que ces filles qui mentent comme elles se maquillent et que je payais si cher. Et fidèle, celle-là. Mais sa fidélité, est-ce que j'y tiens tant que ça? Oui. Faudrait voir. Mais il faudrait changer de quartier. Il faut bien le dire, cette intimité avec messieurs Bibi Chopin et Éloi Constant et leur nénesse devient fort encombrante. Marle et Marmite ne parlent que du comte, l'homme à Nini. Sans compter Julie, que je peux à nouveau rencontrer à tous les coins de rue et qui peut galvauder mon véritable nom. Tout ça me fait courir le risque d'éveiller la curiosité de la police. Et j'ai trop de choses à tenir cachées. Nous en aller, mon chéri? Changer de quartier? J'ai pas envie. Je l'aime, mon vieux Belleville, plein de doux souvenirs. J'y ai rencontré pour la première fois mon beau comte adoré. J'ai un tas de bonnes amies, des camarades d'école, on a grandi ensemble, au Butte-Chaumont, à Romainville, au Lila. Dans ces jolis printemps, nous sommes devenues des petites femmes. Oh! Tous ces souvenirs, je suis prête à te les donner, puisque tu le veux. Je n'ai qu'à obéir. Où tu iras, j'irai. Nous irons te voir, Nini. Et tu viendras chez nous. Pour sûr. Si mon petit Tom le veut bien. Ben on se reverra, pas vrai, monsieur le comte? Ah, seules les montagnes ne se rencontrent pas. Le comte et sa maîtresse s'établirent dans un garni plus que modeste, à l'autre bout de Paris, rue du Château, derrière la gare Montparnasse. Nini chercha de l'ouvrage, mais on ne la connaissait pas dans ce quartier. Elle n'en trouva pas. Elle alla finalement turbiner au diable, à la glacière. Bon Dieu, quelle trotte, bien la peine de déménager. Nini fit contre mauvaise fortune bon cœur. C'était l'automne, encore la belle saison. Elle s'en revenait le soir très tard, en chantant à son homme. C'était le plus beau, c'était le plus gros, comme qui dirait l'empereur des dos. Il gouvernait à la barrière, à la barrière, à la glacière. Lui, quand il était tout petit, il faisait des galipettes dans le lit de la Bièvre, qu'est une jolie rivière à la glacière. Plus tard, il conduisit les veaux, après il fit trotter les chevaux, en s'agrippant à leur crinière à la glacière. Quand il fallait recevoir un nion ou bouffer le nez d'un maquignon, il était jamais en arrière à la glacière. Il racontait avec orgueil qu'il s'avait fait crever un œil un soir au coin d'une pissotière à la glacière. Et vient de tomber comme un César, comme un prince du sang, comme un czar. On l'a crevé la semaine dernière à la glacière. C'est pas un gros, mais un petit mac qui a mis de l'air dans l'estomac en y faisant une boutonnière à la glacière. C'était le plus gros, c'était le plus beau, comme qui dirait l'empereur des dos. Il gouvernait à la barrière, à la glacière. Celui qui avait été naguère, le brillant et orgueilleux comte de Charmeuse, allait descendre maintenant les derniers échelons de la dégradation. Sa misère, la beauté de Nini, se mélangeaient dans sa pensée confuse, annihilée par les fumées de l'absinthe. Il s'enlisait peu à peu dans l'avidissement, dans l'abjection, car le sable mouvant de Paris, c'est la boue. L'amant de Nini devenait, par la honte, le remords ou la crainte, par la misère et l'alcool, une sinistre épave. Il pensait de moins en moins à Ragdal et à Fifine. L'hiver arrive, j'en peux plus de fatigue. Faut que je lâche la glacière. En échange, mon chéri, j'ai un modeste livret de caisse d'épargne, quelques économies faites à la blanchisserie. Je les verse dans la caisse commune. Oh non, petit. Mais non, non, non, mon chéri, c'est normal. Je travaille plus, je suis à ta charge. Tu as bien achevé ton fric avec moi, pauvre chéri. Et tout ça, c'est kiff-kiff bourricot. On peut pas bouffer que des briques à la sauce caillou. Les femmes sincèrement éprises ont la rage de ces preuves d'amour qui vous font pousser des nageoires en cinq secs. Un homme comme le mien n'est pas fait pour vivre dans la panade. C'est bon pour nous autres. Les torchons de misère. Le voilà, enfin. Bonsoir, ma toute belle chérie. Chérie, pourquoi continues-tu à prendre des séries de mobinettes à trois ronds qui te font tant de mal? Et parce que monsieur le comte n'a plus les moyens de s'enivrer au champagne. Ah oui, je suis encore sous. Ah, je t'aime, Nini Casque d'Or. Et par moments, j'ai besoin d'oublier. Je reviens d'une longue station solitaire dans un cabaret borgne près de l'ancienne barrière du Maine. Voilà où en est le comte de Charmeuse, la coqueluche des endroits les plus sélects de la capitale. Ouais, un assommoir de bas étage qui sert de lieu de rendez-vous aux souteneurs du quartier. Ils attendent là en tapant le carton ou en jouant aux zanzis. Et tu sais comment les filles surnomment entre elles ce bistrot? Oh que oui, celui-là et tous les autres. L'aquarium. Et pour cause. Sûr que j'en ai soupé du mac. J'en ai plein le dos, j'en ai mon sac. On fout pas que libre à la courtille. Et faudrait que je me repaye un mec, que je le fringue, que j'y empâte le bec, quand je le fais pas pour ma croustille. Ah, sûr que non. Et ils peuvent tous clamser s'il y a que moi pour les engraisser. J'en veux plus de Marlou. Ça vous coûte tout ce qu'on gagne et tout ce qu'on gagne pas. On n'a jamais le rond dans son bas. Ah non, de Dieu, je sais ce que ça me coûte. Le bistrot, il tient un hôtel. Ah, il s'y passe un drôle de manège. Hein. Parfois, une femme passe en cheveux, suivie d'un homme. Elle cogne un petit carreau derrière le comptoir. Le patron sort avec une bougie et une clé et revient graissé de 20 ronds de chambre. Les femmes qui montent font par l'ouverture du carreau un petit signe à leur mec respectif et celui qui vient de voir sa gonzesse grimper se frune fine de joie. On rate pas pour les autres, hein, à moins d'avoir perdu une partie. Les femmes ne turbinent pas pour rincer la dalle aux amanches, non mais... J'ai remarqué une marcheuse, blonde, elle aussi. Ah, mais moins jolie que toi, ma Nini. Elle a monté 8 fois dans la soirée. C'est curieux, hein, mais j'établissais une similitude bizarre entre ton image et les allées et venues de cette fille blonde. Ah, plus je suis ivre, et plus je suis tendre et caressant. Ah, toi, j'ai l'impression que toi aussi. Hein? C'est ma faiblesse. Je t'aime mieux poivre. Tu perds cet air froid, trop correct, triste aussi, qui me gêne alors que je me veux toujours aimante, rieuse, ardente. Comme un petit gamin femelle que tu es. Il y aurait peut-être un moyen de retrouver des jours meilleurs. Pour voir mon bel homme heureux comme je voudrais qu'il le soit, je serais capable de tout. Truquer, pourquoi pas? Comme ma mère l'a fait avant moi. Maintenant, je suis toute à mon beau seigneur, corps et âme. Je devais forcément y arriver un jour. J'ai toujours retardé l'échéance tant que j'ai pu, parce que le courage ne me manquait pas et que j'étais seule et libre. Présentement, c'est la misère. Et une belle passion en prime. L'instant est arrivé. Bon, c'est la fatalité. Je suis la fille d'une fille issue peut-être de plusieurs générations de passants. À quoi bon réfléchir et raisonner? Faut bien. Mignonne, tu veux bien? Ah, quelle plus grande preuve d'amour. Tu m'en voudras pas? Tu me quitteras jamais à cause de ça? Tu le jures? Et allez donc! Le jour de gloire est arrivé! Nini Casque d'Or va aller battre le quart aux alentours de la gare Montparnasse! Et mon aristocratique souteneur m'attendra dans un aquarium de la rue d'Odessa. Puis une dizaine de jours, c'est pas grave. Et j'ai compris. Les bons Michets sont des gens qui ont leurs habitudes. Ils ne vont guère avec les femmes qu'ils ne connaissent pas. Ils craignent un guet-apens, le coup de surin. Ils sont méfiants. Et pour cause, du côté de Montparnasse et du Maine. Tu sais, il y a une prime dans les bahuts chics, mon chéri, quand on y amène une batte gonzesse qui est encore nouvelle, ou presque. Si je me mettais en maison... Et dans le temps, on me cherchait pour la rue d'Amboise. Attends, que je réfléchisse. Faut examiner gravement la chose. Non, la rue des Moulins, ça vaut mieux. Plus tard, on verra le Chabanais. Mon baluchon, petit homme, et en route pour le claque. Y'a pas. Et monsieur le comte touchera cette prime qui naguère tentait si fort tous les mecs à la redresse de Belleville et de Ménilmontant. Et nous prendrons tout de suite un petit logement, modeste mais confortable, dont j'ai vu le panneau de location rue Campagne Première, entre les boulevards Raspail et du Montparnasse. Ma rose de gosse, il y a déjà pas mal de temps, quand elle avait 7 ou 8 ans, à demeurer sur la place du Tertre, tout là-haut, à Montmertre, à s'épanouissait en sautant au pied du sacré palpitant. Ma rose de gosse, elle allait quelquefois au fortif avec un ruban dans ses tifs et des faveurs à sa liquette. Elle était déjà vache et coquette, à garçonner dans les fossés, elle n'en avait jamais assez. Ma rose de gosse. On l'a rencontrée en passant dans les coins de la rue Saint-Vincent. Mais, de saut de mouton en culbute, elle a dégringolé de la butte. Et du Rochechouart à Clichy, a fait son truc et son chichi. Ma rose de gosse, tous les matins, elle prend son bain. Elle dit comme ça que pour le turbin, il vaut mieux avoir la gueule fraîche et les pieds blancs et la peau de pêche. On la licherait comme un bonbon, tant qu'elle est propre et qu'elle sent bon. Ma rose de gosse, ouais, faut voir les Michets qu'elle a. Il lui pèse, en veux-tu, n'en voilà. Qu'elle soit en peau, qu'elle soit en robe, tout le monde la veut, tout le monde la gobe. La sacrée môme, je la connais. aveu finir au Chabanais. C'était « Les bas-fonds de Paris » par Jean-Jacques Steen, d'après le roman d'Aristide Bruant. Aujourd'hui, 14e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruant, et Roger Mollien, Roger de Charmeuse, Daniel Collat, Bibi Chopin, William Corinne, Éloi Constant, Martine Régnier, Thérèse, Dominique Page, Cécile, Nicole Vassel, Nini Casque d'Or, Pierre Attet, le Biffin, et René Renaud, le journaliste. À la glacière et souper du Mac, par Caroline Claire. La rue Saint-Vincent, par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouly. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Cet épisode, le 14e, a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 17 septembre 1981. Le 18 septembre 1981 était diffusé, oui, le 15e épisode que voici. À la vaisseau, sa toque de martre, sur la butte Montmartre. Un petit air innocent, on l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Steen. D'après le roman d'Aristide Bruant. Aujourd'hui, 15e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruant, et Pierre Constant, Monique Thierry, Francine Bouffard, Rosine Favet, Yvonne Clesch, Henri Janik, Janine Darcet, et René Renaud. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Bon Dieu, v'la libère. Et puis mince. Et puis que ça souffle. Et puis que ça pince. Les purotins sont désolés. Le vent gicle sous les jaquettes et va mordre sous les liquettes. Les pauvres culs jolis. Et puis v'là la neige qui s'en mêle. Et puis du givre. Et puis de la grêle. On marche sur les glaçons pilés. Ils ont le nez rouge et les mains gourdes. Et du friot plein les esgourdes. Les pauvres culs gelés. Le soir, quand les fontaines valassent et les ruisseaux sont à la glace, ils regardent passer les gens calés, engoncés dans des bas de pelure, pendant qu'ils attrapent des engelures, les pauvres culs gelés. Ils se les roulent pas dans des étoffes. Eux autres, ils n'ont que des philosophes et des ripatons éculés. Et les pieds nus dans leurs savates, ils ont toujours l'onglet aux pattes, les pauvres culs gelés. Ils sont des centaines et des mille, sans culottes, sans domicile, perdus sous les cieux étoilés. Courbés en deux, les coudes aux hanches qui vont comme ça dans les nuits blanches, les pauvres culs jolis. « Et voilà, monsieur de l'Excelsior. J'ai écrit ce monologue durant ce même hiver où nous avons laissé monsieur le comte de Charmeuse, devenu souteneur de Nini Casque d'Or. Dans le même temps, la douce et exquise Adrienne, elle, faisait face à des épidémies de grippe et de croupe qui sévissaient alors un peu partout, et même à la crèche Rose-Aimée, rue de Vanves, à Vaugirard. Pardonne-moi de te délaisser, mon Jean, mais mon devoir est de veiller nuit et jour sur mes enfants, comme je les appelle. Je berce, je console ces malheureux déshérités qui n'ont jamais connu les soins tendres et les caresses aimantes d'une mère. Hélène et moi, nous n'épargnons rien, ni les soins, ni le dévouement, ni l'argent, puisqu'hélas, dans ce bas monde, tout aboutit à l'argent, pour disputer à la mort ces chers petits êtres. Loin de moi la pensée de te décourager, ma chérie. Mais ta santé finira à la longue par se ressentir de tes veilles, de tes fatigues. Le médecin lui a déjà enjoint de prendre quelques repos. Un dernier effort. L'épidémie est en régression. Quelques jours plus tard, un matin, Jean Robin quitta de bonne heure son hôtel des Champs-Élysées dans son coupé bien chaud, attelé de deux bons chevaux ferrés à glace. Il accomplissait son détour quotidien, avant de se rendre à ses affaires, par la crèche Rose-Aimée, où Adrienne s'était installée en permanence. La rue de Vanves, près des Fortifs, à l'heure sombre de ce matin hivernal, était presque déserte. Quelques rares voitures de maraîchers allant aux halles avançaient lentement à cause des verglas, terribles pour les chevaux. De loin en loin, des lanternes de bifins s'agitaient dans l'obscurité. On aurait dit des vers luisants au milieu de la neige. Des rayons de lumière filtraient entre les volets clos de la crèche Rose-Aimée. Quand Jean Robin descendit de voiture, soigneusement enveloppé dans sa pelisse de vison, un spectacle navrant lui fendit le cœur. Un petit être, frêle et souffreteux, mal vêtu de sordides haillons, plié sous une hotte à moitié pleine déjà d'objets puants et sales, fouille avec un crochet dans des tas d'ordures, les poubelles qui attendent sur le trottoir le passage des tombereaux de la ville. Sa main gauche, que le froid fait trembler, tient une lanterne clignotante, emblème de cette vie dolente et peineuse de négriot. Cet échantillon de la souffrance et de la misère est un enfant, une petite fille, une enfant délicate et fragile, mignonne avec ses grands yeux bleus qui lui mangent le visage. Un visage doux, gracieux et triste, aux lignes régulières, bien qu'il fût émacié par de trop évidentes privations. Impossible de fixer un âge à ce pauvre petit corps amaigri, à cette figure maladive et résignée. 10 ans, peut-être. La malheureuse petite gosse en haillons, la lanterne à la main, pique de son crochet dans les poubelles de hideux chiffons qu'elle rejette derrière d'un geste automatique dans la hotte sous laquelle son faible dos ploie le cachemire d'osier des bifins, le harnais de la misère, de la famine. Mon Jean, j'ai entendu la voiture. Regarde. Oh, pauvre petite. N'aie pas peur. Qu'elle est jolie. Vois Jean, ses grands beaux yeux bleus. Ses cheveux, doux comme de la soie. À soigner, il serait vraiment merveilleux. Oh, elle quitte son air farouche. On aime mieux, et surtout un enfant, s'entendre louer que d'être un objet d'attendrissement et de pitié. Le gentil sourire qui éclaire les roses neigeuses de ses joues. Vois, Jean, s'il est permis d'exposer de la sorte une pauvre petite créature aux rigueurs du terrible hiver que nous traversons. Sa misérable robe est toute trouée. Son corsage est percé. On voit sa peau à travers. Elle n'a rien dessous. Si ce n'était que cela, ma chère Adrienne. Le linge, les vêtements ne manquent pas, Dieu merci. Rentrons. Cette petite a froid. Elle a faim, peut-être. Venez, venez, mon enfant. Oh, ne reprenez pas votre air effarouché et méfiant. Nous ne vous voulons que du bien. Venez. Asseyez-vous là. Hélène, faites manger cette petite, voulez-vous? Et nous lui trouverons du bon linge propre et bien chaud. C'est le devoir du moment. Mais après? Oui, après. Mon Adrienne adorée, notre rose aimée que nous pleurons depuis si longtemps, cette innocente victime, si elle vit encore, aurait maintenant cet âge. Le malheur est qu'on ne peut jamais faire le bien tout à fait, ni complet, de la façon dont on voudrait le faire. Trop souvent, on en est empêché par ceux-là même à qui on veut le faire. Ou quand ce sont des enfants, par des parents indignes, des brutes, mais qui ont pour eux la loi. Voilà pourquoi je te répète que la plupart du temps, il faut se contenter d'apporter un remède au mal du moment. Et puis? Et puis, on s'en rapporte à l'avenir, à la vie, au hasard. Qui sait? Le destin, un jour, peut remettre cet enfant sur notre chemin, libéré des liens odieux d'une famille abominable. J'aurai l'œil sur elle, je m'en occuperai. Tu juges peut-être mal, mon Jean bien-aimé. Qui te dit que les parents de cette petite ne sont pas de braves et honnêtes gens, dont le seul tort est d'être pauvre? Et qui la font ainsi courir à moitié nue sous le vent, le froid et la neige? La misère explique bien des choses. Elle n'excuse jamais la cruauté. Examine-la de loin sans en avoir l'air. Elle a repris son air de petite bête souffreteuse et craintive. Elle est sans nul doute affamée et elle n'ose manger comme si elle ne croyait pas que ses aliments sont pour elle. Elle nous regarde à la dérobée, toi, moi, les infirmières à qui cette belle dame donne des ordres, mais d'une voix douce, sans autorité. Sais-tu ce qu'elle pense? Si tous ces gens allaient me faire du mal eux aussi. Je regrette de les avoir suivis. Pourtant, ils n'ont pas l'air méchants. Ils me parlent doucement. Les autres petits-enfants, ils n'ont pas l'air d'avoir peur. Il fait chaud ici. Est-ce que c'est beau tout ça? Je n'ai jamais vu une si belle maison. Tout brille. Même les murs. Est-ce qu'elle est jolie, la dame blonde? Il doit vivre dans un taudis où elle couche sur des tas de chiffons en proie aux mauvais traitements et sous l'empire de la terreur. Adrienne, voilà les vêtements pour la petite. Merci, Hélène. Aidez-moi à l'habiller. N'aie pas peur, petite. Tu auras bien chaud. Oh! Oh, ma mignonne, qu'est-ce que c'est ces marques sur tes bras? Et là, sur ton corps? C'est rien, madame, c'est rien. C'est la hotte. Pauvre enfant. Ni la naïve coquetterie du jeune âge, ni le bonheur de se sentir à l'abri du froid ne fait naître chez la petite chiffonnière la moindre expression de joie, le plus petit sentiment de bien-être. Au contraire, un air épouvanté se montre de plus en plus sur ses traits pâles. Ouvre ta menotte, mon enfant. Voilà un beau louis d'or. Oui, oui, oui, pour toi. Et elle n'attache aucune signification, aucune valeur à la pièce d'or. Elle n'en a peut-être jamais vu. Notre fille a été enlevée par une main criminelle, infâme, jetée peut-être au ruisseau, à la misère. Qui sait si elle n'est pas obligée, comme cette malheureuse enfant, de courir au milieu du froid et de la neige, torturée par la brutalité de gens immondes, par les privations qu'on rend exprès plus dures. Quel supplice. Pourvu que cette atroce pensée ne vienne pas à l'esprit de ma pauvre Adrienne. Toute sa gentillesse ne peut arracher un mot au mutisme obstiné de la petite. Très certainement, on la maltraite. Elle est privée de tout. Elle ne veut rien dire, par crainte sans doute que cela ne vienne aux oreilles de ses bourreaux. Ne sois pas terrorisée, ma mignonne. Nous essayons d'apporter un peu de joie aux enfants comme toi. Comme ceux qui sont là. Quel âge as-tu? Je ne sais pas. Tu ne sais pas où tu es née non plus? Là-bas, dans les fortifs. Loin, très loin. Il faut traverser tout Paris. On est venu ici un été. Mais ton papa, ta maman. Papa, je ne sais plus son nom. Il y a si longtemps. Il buvait, il chantait. Il n'était pas méchant. Toutou aussi était gentil. On a grandi ensemble. Je l'aimais beaucoup. Seulement Toutou est mort. Tu étais toute seule. Ni frère, ni sœur. Aussi. Ils sont partis. Bibi était gentille. Je l'ai jamais revue. Thérèse non plus. Il reste le petit frère. Il n'est pas plus grand que moi. Et ton papa et ta maman ne s'occupent pas de toi? Papa, il est mort, comme Toutou. On l'a retrouvé dans la rue. Je l'ai jamais revu. J'ai bien pleuré. Un autre papa est venu. Et puis, il nous a emmenés par ici, maman et le petit frère. Les gendarmes, ils sont venus chercher mon nouveau papa. Comment s'appelle-t-il, ton nouveau papa, ma mignonne? Oh non, non, non, ne pleure pas. Tu ne veux pas faire plaisir à la belle dame qui est si bonne? Comment t'appelles-tu? Tu ne veux pas me le dire à moi? Ta maman, elle te donne bien un nom? Je voudrais partir. Veux-tu que je te raccompagne? Non? Où habites-tu? Par là. Du côté de Vanves ou de Malakoff. Les cités chiffonnières sont tellement nombreuses. Tu veux reprendre tes vieux effets? Bien sûr. Mais ta hotte est déjà lourde. Ah, oui, ta lanterne est en crochet. Et promets-moi de revenir. Tu ne veux pas? Mais si, si, reviens. Tu frappes, tu entres, et on te donne à manger. Hmm? Bientôt. Il fait jour maintenant. Ah, la neige tombe à gros flocons. Au revoir, mon enfant. Au revoir, ma mignonne. Il revient très bientôt. Jean. De la partir, lente, comme peureuse ramassée sur elle-même. Elle s'en va toute dolente vers le bout de la rue de Vanves, du côté des fortifications. Oh, elle se retourne! Ses yeux tristes, brillants de misère. Oh, elle repart! Non! Oh, je veux... Adrienne, ma bien-aimée, qu'as-tu? Te sens-tu malade? Mais tu as la fièvre. Rentrons à Paris. Ils sont des centaines et des mille, sans culotte, sans domicile, perdus sous les cieux étoilés, courbés en deux, les coudes aux hanches, qui vont comme ça dans les nuits blanches. Les pauvres culs jolis. La pauvre petite chiffonnière arriva devant la porte d'un cabaret borgne près de la barrière de l'octroi. Avant d'entrer, elle jeta à travers les vitres un coup d'œil craintif. Ah, parce que c'est pas tout ça. Faut casquer ou garder les beignes. Ouais, mais fais pas tes magnes. On a été amis comme cochons. C'est qu'aussi mon ami Turbinet, on s'en envoyait des tournées sur ton zingue. Tu crachais pas sur son pognon, toi, hein? bougre de vache. Oui, bah pas de boniment. De la galette ou je cogne. Hé, t'as donc pas pitié de la veuve et de l'orphelin, espèce de sans-cœur. La ferme, sale gosse. Oh. Refile ton blase dans ta verre à tabouron et je tabote le cul. Ah, celui-là. Ça va, Fifine. Ton homme est au dur, tout le monde le sait. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'en sortira pas de sitôt. Avec un cahier judiciaire aux petits oignons. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi donc. Des suppositions, c'est qu'une fois on irait raconter à des gonces. Sale paillasse à poivron, sale pourri. Je marche pas, je suis établi, pas tenté, on me connaît, je suis dans le bottin. Tiens, c'est un truc à brûlant, hein. Ça se dégoise à la Gaîté Montparnasse, cette rubrique. De quoi? Ben vrai, t'as pas la trouille. J'allais à l'école avec toi et c'est pour ça, dis, sale fripouille, que tu veux crâner avec moi? Mais tu connais donc pas le gros Charles, chemisier de la rue Saint-Martin? Tu sais donc pas à qui tu parles? Je suis dans le bottin. Oui, dans le bottin, avec la tierce, avec les poilus du quartier, tous les gros balais du commerce, du boule des ites et du sentier. Je deviens un homme considérable. T'entends, espèce de purotin? Je suis honoré, je suis honorable, je suis dans le bottin. Je suis boutiquier, j'ai ma patente, je suis un notable commerçant. Tandis que toi, t'en as-tu de la rente? T'en achètes-tu du 3%? Ah, bon Dieu, tu peux pas y faire. T'as pas le rond, t'as pas un rotin. Tandis que moi, j'ai fait mon affaire. Je suis dans le bottin. Hé, hey, la daronne, tu vois bien qu'on connaît monsieur dans la maison du bord de l'eau. À la tour pointue, c'est une casserole, il en a. Si je savais que c'est toi qui as donné mon homme, je te crèverais la paillasse. Mais je m'en fous de tout ça, je m'en contrefous. Ton homme a pris des verres ici, il les a raqués. Nous sommes quittes. Et madame Sangène continue à venir se rincer la dalle avec son avorton en se faisant ouvrir une ardoise à perpète. Pas de ça, Lisette. Il y en a pour une thune et 10 flèches. Alors tu casques, fleur de pissotière. Ouais, monsieur devra faire les flics. Ça lui serait facile puisque monsieur est de la boîte. Oh ben toi, t'avais intérêt à pas chanter la messe, mon salaud. T'es bien Rupin. Où tu t'es frusqué comme ça? Ça me regarde. À la foire d'Empoigne, t'as une chouette de veste? Un bas de cache-nance en pure laine, tout ça est neuf. Pas touche. Eh ben, je vais toujours te les prendre en acompte. Ouais. Ça sera sur les 5 balles et diront que ta respectable putain de mère meurt d'oie. Oh. Assassin! Misérable! Avec ce froid! Mais tu veux le tuer, le pauvre chéri! Oh merde! Là, la petite chiffortonne fringuée de première, elle aussi, dis donc. Oh, chouette de l'amour! Oh! Ma chère, comme vous voilà mise, avez fait un héritage? Où c'est donc c'est qui court? Oh, ben mince, alors! Elle en a pour au moins une demi-fave sur le dos, hein! T'es comme une duchesse! Viens donc voir ça, reculo! Ah, dis donc, tu peux te vanter d'avoir vivré une fois dans ta garce de vie! Mais y'en a pour un fafiou, c'est pas en plus! Où c'est que t'as eu ça, ma fille? Là-bas? Une belle dame dans une jolie maison où il fait tout plein chaud avec beaucoup de petits-enfants. Ah. On leur donne de la soupe et du lait. Oh, la dame, elle est belle. On dirait un ange comme sur les images. Elle parle doux. Elle a l'air triste. Je l'aime bien. Elle m'a donné de jolies affaires et elle m'a fait manger. Oh, elles doivent être heureuses, les petites filles qui font joujou dans la belle maison. Je voudrais bien y rester avec la belle dame et le bon monsieur. Oh oui, je voudrais bien rester avec les petites filles. Les petites filles. Ah oui, oui, je vois ce que c'est, la crèche qui est dans la rue de Vanves. Une bonne femme qui a eu des malheurs avec son mari. Une gosseline qu'on lui a chopée et que personne n'a revue. Elle dépense sa gale tout ça engraissée de la marmaille dans cette boîte. Ben, tout ça fait pas marcher mon commerce. Allez, à boule le cache-naze et la veste du loupio. Mais c'est jamais! Le trou du cul qui se fait. Mais lâche pas, non, tu te dis. Bon, respect. Tu vas me la filer, ouais, cette veste. Lâche-toi, arrête, lâche-toi. Il va attraper le coup de la mort, le pauvre mignon, le chérubin de mon cœur. Hé, j'ai une meilleure affaire à te proposer. Les frusques toutes neuves de la gosseline. Ben, je dis pas non. Ça vaut mieux que les nids de ton morveux. Tu reconnais toi-même qu'il y en a pour des faffes. Allez, avance-toi, puis avant, on va peur, on va pas se boulotter. Chiale pas, bon Dieu, sinon je te ramène la gueule. Bon, j'ai une pisseuse qui est juste de cet âge-là. Un coup de peau. Allez, j'efface l'ardoise. De quoi? 5 francs 50? Deux thunes. Et encore, ça me laissera que 4 francs 50. Je suis bon prince. J'y ajoute un kill de torboyau. Ça marche. Allez, la bombe, à bout de tout ça. Et vite, chiale pas, bon Dieu. Venez, avec quoi vous allez la fringuer? Vous y avez pas pensé? Je suis père de famille, tout de même. On la roulera dans le sac à chiffon sur la guimbarde. Compte sur moi pour la tirer. Pas de danger qu'elle crève, la petite peste. Mais je t'y prends, petit con, à filer des brides dans sa hotte. Elle est marrante quand elle se casse la gueule. Oh, tiens, on lui a refilé ses vieilles frusques. Ah, ben, ils sont bien honnêtes dans cette crèche. C'est rien, vingt. S'il avait fallu la foutre dans le sac, Maisie est obligée de la tirer. Comme ça, c'est elle qui va être attelée au 8 ressorts. Allez, viens, cocotte. La malheureuse enfant, revêtue de ses pauvres guenilles, alla déposer sa hotte sur une voiture à bras, pleine de chiffons et d'ordures, calée au bord de la chaussée, devant le sinistre assommoir. On la mit dans les brancards. Elle courba son pauvre petit corps frêle, tira péniblement, glissant à chaque pas sur la neige durcie. L'abominable mégère et le mignon adoré poussaient pour la frime, tout en buvant au goulot le liton le film. Le groupe traversa la barrière et disparut sur la route de Malakoff. Plusieurs fois, la pauvre enfant, sur qui tout le poids portait, tomba épuisée. Debout, feignasse! Mademoiselle veut se les rouler depuis qu'elle fréquente la haute. Et la petite chiffonnière se relevait, meurtrie par les coups. Pitoyable martyr, sans consolation, sans espoir. On prend des manières à 15 ans, puis on grandit sans qu'on les perde. Ainsi, moi, j'aime baroupiller. Je peux pas travailler, ça m'emmerde. J'en foutrais jamais une secousse, même pas dans la rousse, ni dans rien. Pendant que le soir, et je fais ma frappe, ma sœur fait la retape, et c'est bien. Elle a plus de daron, plus de daronne, elle a plus personne, elle a que moi. Au lieu de soutenir ses pères et mères, elle soutient son frère, et puis quoi? Et je m'occupe jamais du ménage, et je suis libre, et je nage au dehors, et je vais sous les sapins au but. Là, j'allonge mes flûtes, et je m'endors. C'était Les Bas-fonds de Paris. Par Jean-Jacques Stine. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 15e épisode. Avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et Pierre Constant, Jean Robin, Monique Thierry, Adrienne, Francine Bouffard, Rose Aimée, la petite chiffonnière, Rosine Favet, Roculo, Yvonne Clèche, Fifine, Henri Janic, le patron, Janine Darcet, Hélène, René Renaud, le journaliste. La rue Saint-Vincent par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouly. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Ces épisodes, les 14e et 15e, ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 17 et 18 septembre 1981. À suivre.